Today, I would like to talk about feelings, vedana. Vedana nupassana, four foundations of mindfulness we are practicing. Kaya nupassana, mindfulness on the body. Vedana nupassana, mindfulness on the feelings. So today, I would like to talk about feelings. Aujourd'hui, je vais vous parler des sensations. Vedana Nupassana. Nous pratiquons pour le moment les quatre établissements pour l'attention, les quatre Satipatthana. Il y a d'abord Kaya Nupassana, la contemplation du corps, ensuite Vedana Nupassana, la contemplation des sensations. Ce soir, c'est de Vedana Nupassana que je vais vous parler. Le Bouddha nous dit qu'il y a trois sortes de sensations. Dans le Satipatthana Sutta, il nous dit: lorsqu'il expérimente une sensation agréable, le bhikkhu ou le yogi sait « j'expérimente une sensation agréable ». Lorsqu'il expérimente une sensation désagréable, le yogi sait « j'expérimente une sensation désagréable ». Lorsqu'il expérimente une sensation neutre, le yogi sait « j'expérimente une sensation neutre ». Telles sont donc les instructions du Bouddha. Si on ne pratique pas la méditation, lorsqu'on ressentira une sensation désagréable, on va bouger tout naturellement, on va changer de posture. On passera par exemple de la posture assise en tailleur sur une chaise. Ou tout simplement, on changera de posture. Mais si on pratique la méditation, il est demandé de rester immobile pendant toute la séance, de ne pas bouger même s'il y a des sensations désagréables. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous essayons de comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit lorsqu'on médite. Si on bouge, on va perdre l'attention. S'il n'y a pas d'attention, la concentration ne peut pas se construire. Et si l'esprit n'est pas concentré, il ne sait rien, ni du corps, ni de l'esprit. C'est pour cette raison qu'on demande aux méditants de ne pas bouger. Le yogi qui pratique en suivant les instructions de façon scrupuleuse, va tôt ou tard expérimenter les sensations désagréables dans sa méditation. Dans les suttas, on parle d'abord des sensations agréables. On dit, lorsque le méditant expérimente une sensation agréable, il sait, j'expérimente une sensation agréable. Mais en méditation, ce sont d'abord les sensations désagréables que le méditant va expérimenter, comme par exemple de la fatigue, des engourdissements, des tiraillements, des tensions, etc. Lorsqu'il expérimente une sensation désagréable, le yogi sait « j'expérimente une sensation désagréable ». Ceci veut dire que nous devons, lorsqu'il y a une sensation désagréable qui apparaît en nous, nous devons savoir qu'il y a à cet endroit, à tel ou tel endroit, une sensation désagréable. On commence par observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est notre objet primaire d'attention. Il faut noter ces mouvements de façon respectueuse et très attentivement. Il se peut qu'après quelque temps, des sensations se manifestent. Si ces sensations sont désagréables, il faut les noter. Il faut abandonner les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et diriger son attention vers cette sensation désagréable, parce qu'elle est plus claire, elle est prédominante. Nous devons donc changer d'objet et diriger notre esprit à l'endroit précis où la sensation désagréable se manifeste. Et nous devons noter tel que nous la ressentons. Douleur, douleur, engourdissement, chaleur, etc. Il faut donc noter toutes ces sensations désagréables comme les douleurs, la fatigue, les tensions. Plus on note, mieux on comprend les douleurs, la fatigue, les tensions. Vous notez donc douleur, douleur, douleur, sans changer de posture, sans bouger. Vous faites preuve de patience, vous faites preuve de détermination, parce que vous voulez expérimenter directement par vous-même ce dont il a été question dans l'enseignement. Vous notez donc très attentivement et vous remarquez que cette sensation douloureuse s'intensifie. Vous continuez à noter douleur, douleur, et vous la voyez encore s'intensifier. Parfois, vous voyez qu'elle se transforme en autre chose. Mais cette sensation douloureuse, nous ne l'aimerons pas. Et si on n'aime pas la sensation douloureuse, il faudra forcément fournir un effort. Il faudra faire preuve d'une énergie mentale développée. Nous devrons lutter pour ne pas abandonner l'observation de cette sensation douloureuse. Si nous nous comportons ainsi et que nous fournissons cet effort mental, tôt ou tard, nous réussirons à surmonter cette sensation désagréable. Mais si on ne fournit pas cet effort, cela prendra beaucoup de temps. Si on prend l'habitude d'abandonner et de changer de posture, nous ne réussirons pas à surmonter les sensations désagréables. Cela prendra beaucoup de temps. Nous aurons pris en plus de mauvaises habitudes, car à la séance suivante, on changera également de posture. Il faut donc fournir un effort physique et mental et noter les sensations désagréables. Vouloir faire disparaître la sensation désagréable n'est pas la bonne attitude. La seule attitude correcte pendant la méditation face aux sensations désagréables, c'est de les observer dans le but de comprendre leur nature. Qu'elles disparaissent ou qu'elles ne disparaissent pas, cela n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est de voir la nature de la sensation désagréable. Si on note très attentivement la sensation désagréable, nous verrons qu'elle augmente d'intensité. Nous ne verrons pas immédiatement qu'elle diminue d'intensité. Voir que la sensation désagréable disparaît dépend du yogi. S'il note très attentivement, il est possible qu'il voie cette sensation désagréable disparaître. Si on note très attentivement la sensation douloureuse, nous pourrons peut-être voir qu'elle augmente d'intensité. Voir que la sensation douloureuse augmente d'intensité, c'est déjà la compréhension. Ce n'est pas facile de supporter la sensation douloureuse, parce qu'elle est très souvent intense, très vive, très grossière. Voir que cette sensation est très intense, vive, grossière, c'est également une sorte de compréhension. Vous allez donc commencer par expérimenter ces sensations ou face à les contacts très grossiers. Le yogi est conscient qu'il y a en lui une sensation grossière, désagréable, et il la note. Mais s'il n'en est pas conscient, il va changer de posture. C'est la caractéristique de la sensation désagréable. Lorsque la douleur s'intensifie et que le yogi lutte contre cette sensation désagréable, essaye de la supporter, cela se voit à son visage. On peut lire sur son visage de la colère, de l'irritation, du découragement. Tout ceci, ce sont des sensations désagréables mentales. Lorsque le yogi note la sensation désagréable avec détermination, il va petit à petit se décourager. Il comprendra que ce sont des sensations qui ne sont pas faciles à supporter et cela va l'épuiser. Vous notez donc très attentivement les sensations désagréables qui se manifestent, vous n'abandonnez pas. Et petit à petit, vous en voyez de plus en plus. Il y en a partout dans le corps. Et pas seulement des sensations grossières. Vous voyez également de la chaleur, des picotements, des démangeaisons. Vous voyez que le corps est rempli de sensations désagréables. Et si vous voyez tout cela, c'est parce que vous êtes très attentif et que vous notez sans interruption toutes ces douleurs. Le yogi va alors ressentir toutes ces sensations désagréables comme une espèce de torture. On peut parler alors de la compréhension du yogi. Mais si on ne note pas, on ne comprend rien. On ne comprend rien de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit, nous parle de dukkha. Nous pouvons expérimenter dukkha directement par nous-mêmes dans notre pratique. Vous n'abandonnez pas lorsque les sensations désagréables se manifestent. Vous continuez à observer très attentivement, de façon respectueuse, avec détermination. Vous notez toutes les sensations désagréables dès qu'elles se manifestent. Et de cette façon, vous développez un certain niveau d'attention et de concentration. Lorsque vous aurez réussi à construire ainsi votre attention et votre concentration, il est possible que vous voyez que cette douleur n'est pas solide, elle n'est pas continue. Vous notez une première sensation désagréable avec attention et vous la voyez disparaître. Vous notez une autre sensation désagréable et elle disparaît à son tour. Vous notez ainsi une succession de sensations désagréables que vous voyez chaque fois disparaître. Vous comprenez alors que cette douleur n'est pas solide, qu'elle n'est pas d'une seule pièce. Vous comprenez la nature de la sensation désagréable. Vous avez donc développé une forte attention, tout simplement parce que vous avez noté sans interruption ces sensations désagréables. Vous l'avez fait avec détermination et vous la voyez, que vous voyez qu'elle n'est pas solide. Vous voyez également, petit à petit, qu'il n'y a pas que des sensations désagréables. Vous notez donc ces sensations désagréables lorsqu'elles se manifestent et vous êtes susceptible de voir que tout à coup, elles disparaissent. Il n'y a plus de sensation désagréable, elle a totalement disparu. Vous allez alors commencer à vous sentir très léger, très à l'aise dans la méditation. Même si vous êtes assis sur le sol, vous aurez l'impression d'être assis sur un coussin d'air. Vous vous sentez parfaitement à l'aise, physiquement et mentalement. Vous y êtes arrivé tout simplement parce que vous avez noté les sensations désagréables de façon déterminé, vous n'avez pas abandonné et vous avez réussi à voir qu'elle disparaissait. Vous allez alors prendre confiance. À la séance suivante, si vous expérimentez de nouvelles sensations désagréables, vous aurez beaucoup moins peur parce que vous avez expérimenté la nature de la sensation désagréable à la séance précédente. Vous oserez donc lui faire face sans peur. C'est de cette façon que tout doucement vous commencez à expérimenter les sensations agréables. Un yogi qui travaille avec détermination, qui fait preuve d'une énergie physique et mentale développée, qui n'abandonne pas, va réussir à comprendre clairement. Il comprend aussi pourquoi il lui est demandé de noter les sensations désagréables. Lorsque l'attention est devenue forte, le yogi ne verra plus la forme extérieure. Il ne pourra pas localiser cette sensation désagréable. Il expérimente simplement une sensation à l'état pur et il voit qu'il n'y a jamais que la sensation et la prise de conscience de cette sensation. Ce yogi pourra alors répondre aux trois questions dont on a parlé hier à propos de la marche. Qui marche ? Ici, la question serait « Qui ressent ?» Ce yogi, dont l'attention est donc devenue très forte, comprend qu'il n'y a personne qui ressent la sensation. Il n'y a pas de « je », pas de « il », pas de « elle ». Mais un yogi dont l'attention n'est pas très développée ressent encore ces choses subjectivement. Il pense que c'est lui qui ressent les sensations. Le yogi dont l'attention est très forte dépasse le concept. La personnalité, le je, le il qui ressentirait les sensations n'existe plus. Lorsqu'on pratique vipassana, il faut réussir à comprendre qu'il n'y a personne dans les sensations. Nous devons donc pratiquer et noter les sensations désagréables comme il vient d'être expliqué. Mais au début, ceci est très difficile. Nous allons souvent rater. Nous allons souvent changer de posture parce que la douleur est trop intense. Nous allons noter une ou deux fois et la douleur va devenir tellement forte que nous allons changer de posture. Nous n'aimons pas cette sensation désagréable. Mais si nous changeons de posture, que nous abandonnons, nous ne comprendrons pas la nature de la sensation douloureuse. Mais tout ceci ne veut pas dire qu'il faille absolument ne pas changer de posture. Cela dépend du yogi. Essayez de ne pas changer de posture et de tenir le plus longtemps possible. Mais si la sensation devient trop douloureuse, vous êtes autorisé à changer, mais faites-le avec attention. Il vaut mieux ne pas changer de posture. Si vous changez de posture parce qu'il y a une sensation désagréable, ne fût-ce qu'une seule fois, à la séance suivante, vous ne pourrez pas non plus rester assis immobile sans bouger pendant toute la séance. Et si vous prenez l'habitude de changer de posture, ce ne sera pas facile pour vous de surmonter la sensation désagréable. Surmonter la sensation désagréable, c'est voir qu'elle disparaît et que vous êtes alors en mesure d'expérimenter les sensations agréables. Je vous conseille donc d'abord d'essayer de ne pas changer de posture. Mais cela dépend du yogi. Nous ne pouvons pas imposer cela. Pour certains, la sensation sera ressentie comme tellement désagréable et intense que ce sera difficile de ne pas changer. Vous êtes alors autorisé à changer de temps en temps. Mais il faut savoir que si on change de posture, l'attention mettra beaucoup de temps pour se construire. Il vaut donc mieux ne pas changer de posture. Si vous ne changez pas de posture Vous pouvez adopter des tactiques lorsque la sensation devient très intense. Vous pouvez, par exemple, ramener votre attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si votre attention est monopolisée par ces mouvements, vous ne serez plus conscient de la sensation douloureuse et elle va alors disparaître d'elle-même. Vous pouvez alterner ainsi sensation douloureuse, mouvement de l'abdomen. Ainsi, vous pouvez vous en sortir avec les sensations douloureuses. Il y a encore une autre tactique. Si vous avez une sensation douloureuse très désagréable, que vous n'arrivez pas à ramener votre attention sur l'abdomen, vous pouvez adopter la tactique suivante. Vous allez observer cette sensation désagréable à distance, de plus loin, superficiellement. Elle va vous apparaître comme plus supportable, parce que lorsqu'on observe une sensation désagréable avec un esprit très concentré, elle nous semble plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Il y a donc différentes tactiques. Si vous avez un tempérament très courageux, vous allez essayer de ne pas changer pendant toute la séance. C'est la meilleure solution. Si vous réussissez à ne pas changer de posture malgré la douleur pendant une séance, la confiance va se manifester. Vous aurez confiance en vous, tout simplement parce que vous saurez que vous avez réussi à tenir pendant toute la séance. Vous serez heureux et à la séance suivante, vous n'aurez pas peur, car vous savez que vous pouvez tenir, vous avez réussi à le faire une fois. Nous pouvons donc expérimenter directement à l'intérieur de nous, dans la méditation, les sensations agréables et les sensations désagréables. En réalité, on commence par expérimenter les sensations désagréables. Le méditant va ressentir toutes sortes de sensations désagréables à l'intérieur de lui. Elles seront parfois très intenses. Il observe par exemple une douleur au genou, il la ressent comme extrêmement dure, comme de la pierre. S'il est très attentif, il pourra voir que cette sensation désagréable change constamment de forme. Une brûlure se transforme par exemple en une sensation coupante, en une pression, etc. Le yogi comprend ainsi clairement la sensation désagréable. Lorsque le yogi aura réussi à surmonter la sensation désagréable, parce qu'il s'est montré patient, son esprit va se pacifier. Un esprit calme et pacifié est stable, confiant, tout simplement, parce que le yogi a noté très attentivement. Il a vu que les sensations désagréables apparaissaient et disparaissaient constamment. Il va alors expérimenter une sensation physique de confort et une sensation mentale de confort. C'est sukha, le confort physique et mental. Le yogi devient alors capable de rester assis une heure sans bouger, et ceci très facilement. Mais avant d'en arriver là, il aura dû lutter pour surmonter la sensation désagréable. Et ceci n'est pas facile. Lorsqu'il aura réussi à surmonter la sensation désagréable, la situation va s'inverser. Il pourra rester assis très longtemps, sans bouger, en ne ressentant aucun inconfort. Certains yogis réussissent parfois à rester assis 2 heures sans bouger. Leur esprit est très stable et ils se sentent tout à fait à l'aise. Au début, lorsque le méditant expérimente pour la première fois la disparition de la sensation douloureuse, il devient très excité. Il est rempli de joie, il est heureux, il trouve cela incroyable. Mais s'il a vu la sensation désagréable qui disparaît parce qu'il a changé de posture, il n'y aura aucune excitation dans son esprit, il ne sera pas particulièrement heureux. Il faut qu'il l'ait vu disparaître par l'attention. Le yogi qui n'a pas encore expérimenté la disparition de la sensation douloureuse par l'attention, se pose encore toutes sortes de questions. Lorsqu'il entend parler de la disparition de la sensation douloureuse dans l'enseignement, il se demande si c'est vraiment possible. Est-il vraiment possible de voir disparaître la sensation douloureuse du simple fait qu'on est attentif? Mais dès qu'il aura expérimenté directement par lui-même dans sa méditation la disparition de la sensation douloureuse, sukha vedana va se manifester. Lorsqu'il expérimente une sensation agréable, le yogi sait « j'expérimente une sensation agréable ». Lorsque donc le méditant commence à expérimenter sukha vedana, il doit en être conscient également. Souvenez-vous des attributs du Bouddha et du Dhamma que nous récitons tous les matins. Le Bouddha est dit Svakato, il est dit également Sanditiko. Le Dhamma du Bouddha est donc bien exposé. Il est bon au début, c'est sila, au milieu, c'est samadhi, et à la fin, c'est panya. Sanditiko veut dire à réaliser par soi-même. Le méditant doit donc réaliser le Dhamma par lui-même, à fond, complètement, clairement. Et pour cela, il faudra qu'il suive les instructions du Bouddha. So let me continue tomorrow. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu.